Sa question, lui, qui est une question intelligente et importante, c'est celle-ci. Si on détruit le concept de quelque chose, est-ce qu'on détruit le quelque chose que le concept veut bien nous faire croire qui existe? Ou si on peut détruire le concept de quelque chose et que derrière le concept de quelque chose existe dans un autre mode? Ou peut-être même dans une autre forme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que si tu me demandes, si on me demande sur le concept de l'âme, la forme que je détruis, je dis oui, je détruis la forme. Je détruis le concept de l'âme. Puis si tu me demandes, l'âme existe-tu? Puis je dis, si tu détruis le concept de l'âme, tu détruis l'âme aussi. Autrement dit, si tu n'as pas le concept de l'âme, l'âme ne peut pas exister parce que ce qui donne la valeur au concept, ce qui permet au concept de saisir une réalité, si tu l'enlèves, ce concept-là, la chose que le concept essaie d'expliquer ou de mettre en valeur ne peut pas exister. Parce que dans le réel, il n'y a pas de concept. C'est en dehors du réel que les concepts existent. Puis dans le réel, c'est de l'intelligence pure. Fait que si tu détruis le concept de quelque chose, dans le réel, ce quelque chose-là n'existe pas. Mais l'ego, lui, il veut que ça existe. Parce qu'il est bien avec. Fait qu'il dit, bon ben, si tu détruis le concept, ça marche. Je suis bien willing de te faire détruire le concept. Mais peut-être que la réalité existe en arrière du concept. Tu comprends comment est-ce que tu au bout, l'ego? Tu comprends, Lily? C'est pour ça que il vient un point avec tous vous autres. Il vient un point où vous êtes obligés de faire référence à votre propre intelligence. Pas la mienne. Moi, mon intelligence, ça va vous faire capoter. Mais si vous faites référence à votre propre intelligence, là, vous ne pouvez pas capoter. Parce que moi, je peux vous avancer des choses de par mon intelligence, de par l'intelligence qui coule dans mes veines. Et si vous autres, vous êtes dans votre intelligence, bien à ce moment-là, votre intelligence va se raccorder avec mon intelligence, sa même intelligence. Fait qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas de difficulté de comprendre ce que je dis. Vous n'aurez pas de difficulté de comprendre pourquoi ce que je le dis. Puis si vous arrivez à un point que vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre intelligence, bien à ce moment-là, vous pouvez venir me revoir, puis je vais recontinuer. Mais il faut que vous en arriviez à pouvoir connecter avec votre propre intelligence pour comprendre ce que je dis. Fait que si je détruis la forme de l'âme, que je dis que l'âme n'existe pas, c'est à vous autres de faire votre propre connexion intérieure puis savoir si ça existe-tu ou si ça n'existe pas l'âme. Comme Croteau a fait tout à l'heure. Dans son esprit, et pour Croteau, elle n'existe plus l'âme, c'est final. Pas parce que moi je l'ai dit, mais parce que lui est allé dans son intelligence pour checker si elle existe ou si ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous fier à mon intelligence. Mon intelligence, ça fait un travail. Ça fait un travail, mon intelligence. Mais votre intelligence à vous autres, je fais partie de la même intelligence. Si elle veut comprendre quelque chose, il faut qu'elle se réfère à elle-même. Fait que si je vous dis que l'âme n'existe pas, puis vous allez dans votre intelligence, vous demandez ça existe-tu l'âme, puis vous dites, ben viens te dire que ça n'existe pas, ben c'est final. Fait que là, vous désengagez votre ego, vous désengagez votre mémoire, vous désengagez votre émotivité, puis vous grandissez dans votre intelligence. Mais si je vous dis que l'âme n'existe pas, puis vous m'arrivez et vous dites, mais peut-être que tu as détruit le concept de l'âme, fait que quand tu détruis le concept de l'âme, ça marche, je suis willing, là, peut-être que tu te vois, ok. Mais peut-être que l'âme existe. Là, à ce moment-là, c'est parce que ton intelligence essaie de comprendre plus profondément le mystère de l'intelligence. Ça, c'est bon. C'est une bonne question que tu me demandais. Fait que si ton intelligence essaie de comprendre le mystère de l'intelligence, à ce moment-là, ben, tu retournes à ton intelligence. Puis tu dis, ben, Bernard, il détruit le concept de l'âme, ça marche. OK. Mais s'il détruit le concept de l'âme, l'âme existe-tu pareil, elle n'a rien du concept? Ils vont te le dire. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Ouais? Fait que t'es obligé de passer par toute une tiraillade en haut avec moi pour arriver à une conclusion bien simple de ton intelligence. Que c'est ça? Que c'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire. Faut que vous appreniez à passer par votre intelligence. Pas par la mienne. Moi, mon intelligence, ça fait sa job. Votre intelligence, ça fait votre job. C'est à vous autres de rentrer dans votre intelligence pour comprendre mon intelligence qui fait partie de la même intelligence. Fait que quand vous comprendrez votre intelligence, vous ferez référence avec votre intelligence, vous vivrez plus de choc au niveau mental avec moi. Mais tant que vous allez passer par moi, vous allez vivre des chocs. C'est normal. J'ai même pas commencé à vous parler encore. Je vous ai rien dit depuis que je vous connais. Qu'est-ce que vous allez faire dans 15 ans? Vous allez capoter. Il faut que vous passiez par votre intelligence. Là, il y en a qui vont dire, bon, tout à l'heure, il dit que l'homme existe, là, l'homme n'existe pas, Chris, ça existe-tu, mais ça n'existe pas, make up your mind! M'a dit que mon chum, le boss qui parle à Louis Brodeur, mon ami, make up your fucking mind, tu vas-tu pour le Parti québécois ou libéral? Laisse-toi! C'est à vous autres de make up your mind, pas moi, mon mind est fait, moi, je n'ai pas de mind. Quand je vous parle, moi, préoccupez-vous pas de ce que je vous dis! Moi, toujours vous embrouiller tout le temps. C'est ma job, vous embrouiller. Pour vous débrouiller. Faut que je vous mêle pour vous démêler. Il y en a qui veulent que j'ai des mêles, que j'ai mis sa ligne droite. Mais pas vous mettre sa ligne droite, ça fait partie de votre expérience de vous remettre vous autres même sur votre ligne droite. Votre ligne droite, c'est votre intelligence. Mais connectez avec votre ligne droite, connectez avec votre intelligence. Moi, je vais vous parler pendant toutes les années que m'a vous parlé, m'a toujours vous détruit des femmes. C'est à vous autres de connecter avec votre intelligence pour comprendre mon intelligence, pour comprendre la nature même de l'homme, la nature même de la vie, la nature du cosmos, la nature de toute la patate. Vraiment détruire la forme et descendre l'énergie que t'as. Une grosse différence. La différence, c'est que quand tu détruis une forme, tu n'y penses plus. Parce que si tu détruis une forme, tu n'y penses plus, l'énergie descend. Ah, il y en a qui détruisent des formes, puis il y en a encore une autre à côté. C'est supportant en attendant. Ils ont des béquilles en métal, ils appètent, mettent une béquille en plastique. Bien. C'est ça, pas bon. Tu détruis une forme, c'est final. Et là, l'évolution. Le développement de notre intelligence est là. C'est là, c'est ça de l'intelligence. C'est pour ça que c'est si difficile à comprendre de l'intelligence. Pourtant, c'est si simple, c'est simpliste de l'intelligence. Mais c'est pas facile à vivre, de l'intelligence. Tu fais un paramètre, là. Moi, ça tombe sur le concept de l'âme. C'est jamais un concept qui m'a parti, là. Mm-hmm. Je vois tout un mécanisme dans ça. Oui. Supposons que tu dis, l'âme n'est pas réelle. Ah, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que t'as dit. Hé, hey, vierge, watchez ce que je dis. J'ai jamais dit que l'âme n'était pas réelle. J'ai dit que ça n'existe pas, l'âme. Non, écoutez donc comment est-ce que je parle. Quand je parle, moi, je parle précisément. Je choisis pas mes mots quand je parle. J'écris mes mots. Quand je dis que l'âme n'existe pas, c'est pas pareil que dire que l'âme, c'est pas réel. Il y a une maudite différence. L'âme, c'est réel, mais ça n'existe pas. C'est réel, l'âme, mais ça n'existe pas. Parce que l'âme, c'est trop vague. Je prends un paramètre. Non, c'est pas trop vague, c'est juste. Il est juste parfait, ça, tout, je tout, je sais pas celui. Quand on dit qu'une chose n'existe pas, ça veut dire qu'une chose n'existe pas telle qu'on la conçoit. Puis je suis obligé de détruire en vous des concepts, des formes, pour que vous en arriviez un jour à vivre le réel. Il n'y a pas de forme dans le réel. Le réel, c'est de l'énergie. J'ai jamais dit que l'âme n'est pas réelle. J'ai dit qu'elle n'existe pas. Il y a une différence entre les deux. C'est là que vous faites agroger. Là, il y en a qui vont partir et vont dire, ben non, il dit que l'âme, c'est pas réel. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça n'existait pas. Puis il faut que vous en arriviez à voir la différence entre ce qui est réel et ce qui n'existe pas. Une chose qui n'existe pas ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. Voulez-vous dire qu'elle n'existe pas de la manière qu'on garde son sourire? Regarde, c'est subtil. Comment est-ce qu'elle m'a quelque chose, la main? Voulez-vous dire qu'elle n'existe pas de la façon qu'on la concevait? Puis quand elle dit, voulez-vous dire qu'elle n'existe pas de la façon qu'on la concevait? Ce qu'elle veut dire, c'est, voulez-vous dire qu'elle n'est pas réelle comme la façon qu'on la concevait? Ben, en quoi le mot existe? C'est vibratoire de l'intelligent. Tu peux pas concevoir quelque chose de réel. C'est impossible de concevoir quelque chose de réel. C'est pour ça que ce que tu conçois n'existe pas. Qu'est-ce que c'est? Réellement. Qu'est-ce que c'est? Le réel, c'est inconcevable. C'est très compliqué. Elle devient réelle, mais ça ne veut pas nécessairement l'accepter. Dès que vous créez une forme, elle possède une réalité, mais ça ne veut pas dire qu'elle transpose la réalité dans une existence conçue par votre cerveau. Exact. Exact. Exact. Exact. Moi, je peux bien dire que Dieu n'existe pas. Mais si quelqu'un me dit, Dieu, es-tu réel? Il m'a dit oui. Mais il n'existe pas. Parce que quand vous parlez de Dieu, c'est un concept, c'est une forme mentale qui est conditionnée par votre émotion. Et ça, ce n'est pas réel. Ça fait que ça n'existe pas. Donc, si... Où ça existe? Mais pas dans le réel. Donc, si j'ai un concept de quelque chose, je ne suis pas dans l'intelligence de la réalité de la chose. Non. Tu seras toujours dans la forme. Donc, tout concept, quel qu'il soit, est éliminé. Tout concept est éliminé. C'est pour ça que l'homme n'a pas osé de penser. C'est pour ça que quand tu es fusionné, tu n'as pas osé de penser. Tu comprends? Tu es bien. Par quelque forme que ce soit, tu peux faire sauter. Parce que tu n'as pas besoin de penser. C'est pour ça que l'homme de demain ne pensera plus. C'est ça. Quand hein? Tu ne peux pas penser, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Pas de concept. Jamais. Jamais. Mais. Pas penser, là. Pas penser. Mais t'as dit ce que ça veut dire, pas penser. Pas penser, ça veut dire parler avec eux autres. Il n'y a pas le temps de se créer quoi que ce soit. Il n'y a pas le temps de se créer rien. Non. Pas penser, là, ça veut dire communiquer avec l'intelligence. Tant qu'il se crée quelque chose, tu automatiquement, penses. Je pense. T'es en dehors du réel, t'es en dehors de l'intelligence. Okay. Là, tu nourris le mental inférieur. C'est là que vous souffrez. Pas penser, ça veut dire parler avec eux autres. Moi, je parle avec toi, je pense pas, je parle avec toi. Je pense pas, j'ai pas le temps de penser, je parle avec toi. Alors, je parle avec eux autres, j'ai pas le temps de penser. C'est ça veut dire, pas penser. C'est instantané. Ouais. Pas penser, ça veut dire communiquer. Fait que, soit tu communiques ou que tu penses. Quand tu communiques, c'est réel. Quand tu communiques, c'est réel. Quand tu sais par les autres, ça existe. Pardon? Quand tu sais par les autres, ça existe. Tu donnes. Quand tu sais par eux autres? Non, par eux autres, par les autres. Par les autres. Pas par eux autres, mais par les autres. Ouais. Par conditionnement, par concept, ouais. Ça existe, ouais. C'est pas réel. Il y a une valeur à ce concept-là. Ouais. Ça prend l'intelligence pour expliquer qu'est-ce que c'est l'âme. Pas nos concepts. Alors, si l'intelligence dit l'âme n'existe pas, ça veut dire que l'intelligence dit l'âme n'existe pas telle que vous la concevez. Maintenant, si tu demandes à l'intelligence, c'est pas nous autres, on va pas de marbre, nous autres. Faut qu'on soit un avec eux autres. Faut qu'on soit un pour avoir une valeur intelligente. À ce moment-là, tu dis, c'est-tu réel de l'âme, c'est-tu réel? Là, ils vont dire oui. C'est fini, hein? Ça me passe dans la tête. Oui, c'est réel. Mais est-ce que ça existe, là? Ils vont dire non. Faut raffiner notre intelligence. Faut raffiner notre pouvoir de compréhension. Et il se raffine, plus on communique avec eux autres. Fait que tu comprends, quand j'arrive, moi, avec des intellectuels, puis je dis, d'une manière, d'un côté, je dis, l'homme, ça n'existe pas, puis après ça, je dis, l'homme est réel, il dit, c'est un capoté. Il se compte des histoires, là. Je les comprends. Mais c'est pas mon problème, c'est leur. Comme j'ai dit à la conférence, l'autre fois, j'ai dit, c'est ce que j'ai à dire au psychologue qui est important, pas ce qu'il pense de ce que je pense, ou comment ce que je le pense. C'est ce que j'ai à leur dire à moi qui est important. Quand tu comprends-tu, là? Ouais, je comprends. Parce qu'il faut connaître la valeur des mots. Pour ça, faut comprendre la valeur des mots, surtout les miens. Quand je vous dis, attachez-vous jamais aux mots, croyez jamais à ce que je vous dis. Faut sentir en arrière. Ben, faut vous sentir en arrière. Faut que vous soyez dans votre intelligence. Si vous vous attachez à ce que je dis, mais là, il va dire, mais Bernard, il dit que ça n'existe pas l'âme, c'est final. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que l'âme, ça n'existe pas. J'ai pas donné l'autre partie. J'ai pas dit que l'âme, c'est réel. C'est pas réel. Il y a une forme d'énergie. C'est style, intelligent. C'est pour ça que c'est si grand. L'intelligent. Il y en a qui disent, il n'y a pas moyen de parler, ce gars-là, il nous déjoue tout le temps. Je comprends. C'est ça, l'intelligent. Pas de l'intellect. L'intelligence, ça appartient pas à l'homme, ça passe dans l'homme, c'est une énergie qui passe dans l'homme. Donc, tu comprends que l'intelligence n'est pas capable de déjouer le petit cerveau du gars? Voyons. Pas de niaiseux. Qu'est-ce qu'il dit à quelque chose? Il faut apprendre, là on est rendu à ce stage-là, parce que je m'en vais encore dans des nuances. Il faut apprendre à comprendre. Il n'y a qu'une façon de comprendre, c'est en n'essayant pas de comprendre. Il faut percevoir la vibration. Fait qu'à ce moment-là, tu perçois la vibration, puis si, pour une raison ou d'une autre, il y a quelque chose dans la vibration qui n'est pas clair, parce qu'il y a une émotion en toi qui fait que faut que ce soit clarifié, surtout dans eux autres, tu veux dire, qui c'est qui veut dire que ça n'existe pas l'intelligence, puis l'intelligence c'est réel? Là, ils vont te parler, toi. Si tu leur demandes comment se fait qu'ils disent que l'intelligence ça n'existe pas, puis l'intelligence c'est réel, là, ils vont te parler. Alors, qu'est-ce qui se fait à ce moment-là? Tu grandis dans ton intelligence. C'est comme ça qu'on devient conscient, qu'on se conscientise, qu'on conscientise notre intelligence, puis qu'on a des réponses à tout. Faut toujours être instantané à ce moment-là. Instantané. On peut pas rien retenir de ce que tu dis, parce que si on ben non, ben évidemment. Évidemment. Évidemment. Vous ne pouvez jamais retenir ce que je dis, puis c'est pas bon. Vous allez conceptualiser, vous allez faire des formes avec. Faut que ce soit instantané, paf, paf, paf, puis là, pop! Ça clique pas, là. C'est parce que soit j'ai pas parlé assez, ou je n'ai pas expliqué assez, ou j'ai employé un mot de moindre vibration pour vous créer dans votre mental, justement, ce petit déclic-là. Je travaille tout le temps, moi. Tout le temps, je travaille. Fait que si j'emploie un mot qui frappe une personne croche, c'est voulu de même. Fait qu'à ce moment-là, ben toi, tu décliques, tu rentres dans ton intelligence, puis tu leur redresses le mot, puis tu continues, puis t'es pas tout confus dans ta tête. Comprends-tu? Mais c'est instantané. C'est instantané. Lui, quand il me parle tout à l'heure, qu'est-ce que tu me dis? Alors, il me dit quelque chose? C'est intelligent. Moi, je vibre. Il m'a dit quelque chose d'intelligent, là, puis je vibre. Ça répond là-dedans, là. C'est comme ça que je sais que ce qu'il dit, c'est ça, puis c'est final. Puis là, je suis content. Parce qu'il étend sur le plan matériel le champ d'intelligence. Moi, j'ai des limites physiques à parler, puis à parler, puis à parler, puis à parler. Toi, tu peux parler, elle peut parler, lui peut parler, lui peut parler. Puis on va amener toutes sortes de variations au thème de l'intelligence. Moi, j'ai des limites physiques, je me garde dans un cadre, parce que j'ai un travail limité à faire. Mais si moi, je m'assise dans un petit café avec toi, mais l'intelligence dont moi, je vais bénéficier, puis dont toi, tu vas bénéficier, elle va être bien plus grande que si je t'actuelle. Parce qu'on est deux têtes. Puis d'un coup, t'emmènes une troisième tête là-dedans. Mais l'intelligence qu'on va bénéficier, elle va être encore bien plus grande, parce qu'on est trois têtes. Il y a plus d'énergie. C'est avec le temps que vous la perdez, avec le temps. Plus l'intelligence remplit votre intellect, mais plus moins vous avez de mémoire. Avec le temps, vous avez de mémoire, c'est rien que l'intelligence dans votre intellect. Quand il n'y a plus d'intellect, tu as rien que de l'intelligence là-dedans quand vous êtes sur le supplémentaire. Vous n'avez plus de mémoire, comment tu voudrais en avoir de mémoire? Tu n'as plus de mémoire. Mais tu ne peux pas arriver à ça par tes propres moyens, tu ne peux pas arriver à ça quand tu veux, ça vient au fur et à mesure que cette énergie-là descend, puis elle descend, puis elle fait son travail, puis elle fait son travail, puis elle fait son travail, puis tu prends le faux cul, puis tu prends le faux cul, puis ça fait son travail, puis tu prends le faux cul, puis ça fait son travail, puis éventuellement ça stabilise, tu es dans ton intelligence fiable, tu ne peux plus penser. clair et net, c'est instantané, c'est final. Si je te dis quelque chose, tu le comprends. Si l'autre gars te dit quelque chose, tu le comprends. Puis si ça marche pas, tu le comprends que ça marche pas. T'es dans ton intelligence, puis tu peux le corriger. Seulement, c'est plus facile à ce stage-là de votre évolution, à moins de vous corriger que de vous autres de me corriger. Parce que je suis encore plus rempli dans mon mental de cette énergie-là que vous autres. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis j'ai toujours raison. Mais ça veut pas dire que je suis le seul intelligent. Comprends-tu? Lui, il me dit quelque chose, alors c'est intelligent, il n'y a rien à ajouter à ça, c'est final, c'est absolu. Paf! Faut que je fasse ma gueule. Puis je suis content, parce que je suis allé avec tout seul. It's lonely at the top. Avec le... Ça fait partie de votre évolution, il n'y a pas un de cette pareille. Mais ça fait, les formes, ça existe dans le plan intérieur. Une idée, c'est une forme. Une émotion, c'est une forme encore. Une émotion, c'est une forme. Mais en haut, c'est ça, en haut, des idées. C'est l'intelligence pure. C'est l'intelligence pure. Ben oui. Ça, c'est pas une forme, l'intelligence pure. Non, l'intelligence pure, la créer. Bon. Pas une forme, l'intelligence pure, la créer. C'est l'énergie, l'intelligence pure. Faire tout parce qu'il plaît, lui, le. Quand tu es dans les principes, quand tu es dans l'intelligence, ça va monter l'amour. C'est le programmeur de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est le programme. Corps intérieur. Ouais. Puis l'âme, c'est l'électricité qui fait marcher tout. C'est ça, exactement. Mais faites attention, parce qu'on parle d'âme. Puis aussitôt qu'on parle d'âme, on parle de quelque chose. Puis aussitôt qu'on parle de quelque chose, on est émotivement pris de ce quelque chose-là. Tu peux pas employer un terme sans être lié émotivement à ce terme-là. Tant que t'es pas réellement bien dans le mental. Puis à ce moment-là, ben, tu l'emploies, mais tu n'en es pas esclave. Ça marche, là? C'est important. Ben, c'est ça que je dis. Essayez pas de comprendre ce que je dis. Faut que vous le sachiez dans l'instantané. Si vous ne sachez pas, si vous ne savez pas dans l'instantané, si c'est pas vibratoire, à ce moment-là, faut que vous m'en reparliez. On va en reparler, puis là, on va ajuster la vibration. Là, comme ça, vous avancez. Sans ça, vous piétinez sur place, puis vous ne vous bâtissez pour rien. L'intelligence, vous faites des expériences, vous avez plusieurs fois. Et puis, là, ma femme vient de dire que c'est... une électricité, ça. Il vient animer le robot. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électricité pour avoir besoin de l'expérience? Ça, c'est le médecin, ça. Ça, c'est l'intellect du médecin. Il veut analyser, puis il veut comprendre. Il veut faire la... C'est comment de comprendre. Tu veux bien le dire. Tu juges l'homme par la façon qu'il parle. Pourquoi est-ce qu'il existe la besoin de comprendre? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire des expériences? Il existe la comparaison avec l'âme qui faut faire des expériences, c'est ici, ça. Donc, il faut mettre des breaks, ça. On va mettre des breaks avec l'expérience. On peut peut-être traiter le courant, mais c'est pas comparable. On emploie des concepts humains pour faire comprendre par le biais de l'émotion. Une situation qui existe entre l'homme et l'énergie. Fait quand je vous dis l'âme c'est comme un train, c'est pas de l'âme que je vous parle. Je vous dis, vous autres, en arrivez-vous un jour à pouvoir l'arrêter, cette vibration, la contrôler, cette énergie-là, le contrôler, le train. Occupez-vous pas si c'est vraiment un train ou non. Comprenez-vous? Pas dans le sens, non, c'est pas dans ce sens-là, je veux dire. Mais occupez-vous pas de penser que ça peut être un... Autrement dit, essayez pas d'analyser le concept que je me sers. Là, l'âme sera au-dessus l'ego. Non, c'est pas l'ego. Non, l'âme, c'est pas l'ego spiritualisé. Qu'est-ce qui est inhérent à l'âme? Pourquoi est-ce que l'âme, ça veut expérimenter, expérimenter? Je vous dis pas tout de suite qu'est-ce que c'est l'âme. On va vous en parler bien vite. Mais je veux détruire la forme avant de vous en parler. Ensuite, je vous en parlerai qu'est-ce que c'est l'âme. C'est ça qui rend les atomes. Une affaire à la fois. Et je vais vous dire un petit peu. Je suis content, t'es content. Je L'âme, dans le réel, c'est une accumulation d'atomes. C'est une accumulation d'atomes. C'est un bunch d'atomes, l'âme. Ça a une force très grande sur les corps de l'homme. Parce que les corps de l'homme sont faits aussi d'atomes. Mais la puissance magnétique de l'âme est beaucoup plus grande que la puissance mentale de l'homme. Parce que l'homme ne vit pas encore de la même énergie dont est faite l'âme. Et cette énergie dont est faite l'âme, c'est la volonté, l'amour et l'intelligence. L'âme est faite de la même énergie. Et elle est structurée. Plusieurs atomes. Et l'homme, quand il fusionne, il vient à un point où ses principes inférieurs, le mental, l'émotionnel, le vital, ces principes-là ont la même force vibratoire que l'âme. Pourquoi? Parce que la volonté, l'amour, l'intelligence, elles sont descendues dedans. Alors, il y a un équilibre entre l'âme et l'esprit de l'homme. À ce moment-là, quand il y a un équilibre, comme le centre d'intelligence se manifeste dans l'homme, l'homme peut se servir de l'énergie de l'âme pour créer. Recommencez donc. Le potentiel d'énergie individuelle nécessaire à chaque homme. Oui, c'est juste, c'est ça, c'est juste, c'est ça. L'âme, c'est le potentiel énergétique de chaque individu. C'est ça qui permet à l'homme, un jour, d'être individualisé. C'est dans l'âme, ça. D'ailleurs, quand vous dites qu'on est parfait, on a tous potentiellement c'est ça. Qu'on a à faire. Exactement, exactement, exactement. Alors, quand il y a un équilibre entre l'âme dans le réel, pas l'âme qu'on conceptualise, mais l'âme dans le réel et l'homme. À ce moment-là, l'homme est totalement individualisé. Puis c'est là qu'il y a une fusion entre l'âme et la lumière. Là, je te repense. Ces atomes-là qui font l'âme, ils doivent avoir une évolution ailleurs. Ils ont une évolution. Ils ont une évolution. Je vais en parler avec le temps de ça parce que c'est pas mal complexe cette affaire. Je ne vais pas commencer à me perdre là-dedans. C'est pour ça qu'ils disent que vous êtes l'âme, c'est tout. Oui. Oui. C'est ça. C'est un beau et très grand mystère, l'évolution de l'âme. Un beau et très grand. Un des beaux et un des très grands mystères, l'évolution de l'âme. Chaque partie de l'âme a évolué dans un cosmos particulier. Alors, il y a une partie de l'âme qui évolue dans un cosmos, il y a une autre partie qui évolue dans un autre cosmos, un autre cosmos, un autre cosmos. C'est tout un. C'est pour ça qu'un homme qui est en unité avec l'âme et l'ajusteur a pensé, a accès à tellement d'informations parce que la partie a évolué dans ce cosmos-là, une autre partie dans ce cosmos-là, une autre partie dans ce cosmos-là, une autre partie dans ce cosmos-là. C'est ce qui fait le vivant. Toutes les âmes possèdent une partie qui est équivalente à tous les cosmos qui existent. Autrement dit, tous les mondes qui existent, il y a une partie de l'âme, vous connaissez ça des pommes grenades? Oui, oui, ça a des petites oui, boules dedans. Oui. Bon, ben l'âme, là, c'est la pomme grenade. Les petites boules, il y a une petite boule qui évolue dans un monde, une autre petite boule qui évolue dans un monde. Ils ont toutes pris de l'expérience, ces petites boules-là. Alors, toute cette mémoire-là, qui est l'âme, un jour, ça doit servir l'esprit. Ça doit servir l'homme. Mais ça ne peut pas servir l'homme tant que l'homme et pas fusionner. C'est ça la fusion. C'est que toutes ces petites parties-là, toi quand tu parlais là, de ton âme, là, que c'était une petite boule dorée, là, mais ça c'est une partie de l'âme. C'est celle qui sert à ce niveau-là. Puis il y en a d'autres petites boules, c'est toutes des petites boules ensemble. Puis une a évolué dans un système, l'autre dans un autre système, puis l'autre dans un autre système, puis l'autre dans un autre système. Mon oncle, c'est ce qu'il appelle l'atome germe. Oh, l'atome germe. C'est un bon concept, l'atome germe. Je l'aime, ce concept. Parce que l'atome germe coïncide avec le concept que dans l'âme, il y a une petite boule. Mais c'est pas juste le concept de l'atome germe, parce que l'âme, c'est plusieurs atomes germes. Au lieu d'un. C'est ça dans le cas quand tu dis où où étais-tu quand j'ai fait... T'étais là quand j'ai fait la faille, quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça. On était là par nos atomes. C'est ça. Par nos fonds de grenade. C'est ça. Par la mémoire de tout. C'est ça. Puis être fusionné, c'est avoir accès à... À toutes ces petites boules-là, c'est ça. C'est pour ça que quand t'es fusionné, t'es dans l'intelligence. Puis tu comprends tous les systèmes parce que t'as vécu, il y a une partie de toi qui est allée là, puis il y a une partie de toi qui est allée là, puis il y a une partie de toi qui est allée là, puis il y a une partie de toi qui est allée là. Puis eux autres en haut, les ajusteurs de pensée, tout ce qu'ils ont à faire, c'est ajuster l'énergie qui rentre dans ton mental pour comprendre ta mémoire. Ils ajustent ton mental pour comprendre ta mémoire. C'est même ça marche. C'est pour ça qu'ils disent que l'homme est un composé de la psychérotique, là, parce que ça coïncide tout avec ça. C'est la même chose. La psychérotique, c'est ce qu'on appelait les anges, les archanges, les dominations, c'est la même chose. Et tout ce que l'homme est un composé de tout ça, c'est la même chose. Oui, parce que l'homme a connu tous les mondes. Cette petite partie-là est allée tout partout. L'homme, c'est une totalité d'expérience. Puis on peut même pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire une totalité d'expérience. Parce que nous autres, sur le plan matériel, tant qu'on est sur le plan matériel, on pense. Puis dès qu'on pense à quelque chose, on ne peut pas le comprendre parce que le quelque chose auquel on pense dans le réel, sa contrepartie dans le réel, c'est tellement vaste qu'il faut rentrer dans le réel pour le savoir, pour le vivre, pour s'en servir, ainsi de suite. C'est pour ça que, à un certain moment de l'évolution de l'homme, c'est inutile de penser. Tu es ça. T'es ça, puis c'est final. C'est pour ça que c'est dans l'instantané qu'il faut comprendre. Pour ne pas comprendre avec l'intellect. C'est dans l'instantané. Puis quand vous comprendrez dans l'instantané, là, automatiquement, il y aura de l'énergie qui viendra vous instruire sur les choses. Et cette énergie-là, ça fait partie de votre mémoire. Se débarrasser de la mémoire subjective, c'est se débarrasser de la mémoire qui compose les plans inférieurs pour avoir accès à cette mémoire. Ça, c'est très intelligent, ça, ce que vous dites. Parce que c'est exactement ça. Se débarrasser de la mémoire, c'est se débarrasser... Qu'est-ce que vous avez dit? Se débarrasser de la mémoire des plans inférieurs de l'homme planétaire, si on veut, pour avoir accès à la grande mémoire. À la grande mémoire. C'est ça, exactement. Exactement. Parce qu'il y a une chose. L'âme, l'atome germe, comme vous l'appelez, dans son évolution dans un monde quelconque, en connaît tous les aspects. Quand est arrivé à sa finalité. Quand un homme est arrivé à sa finalité, elle comprend tous les aspects de ce monde-là. Parce que par le truchement des incarnations ou par le truchement de la descente de certaines de ses facultés dans des plans invisibles, qui ne sont pas un phénomène de réincarnation, mais qui est un phénomène de descente quand même, elle va chercher toute l'information de ces mondes-là. C'est pour ça que lorsque l'homme est en union et qu'il vit la fusion de l'âme avec l'ajusteur de pensée, il n'y a plus besoin de penser. Quand tu penses, c'est l'intellect qui rentre à l'intellect. C'est l'intellect. Puis il est assujetti au plan inférieur, au mode inférieur de l'évolution. Ça nous a enlevé. C'est comme un gars qui construit un building, un architecte qui construit un gros building. C'est évident que si le gars est capable de construire un gros building, il est capable de planter un clou que le menuisier plante. Comprends-tu, Bédé? Parce qu'il y a une dimension d'expérience tellement vaste comparée avec le gars qui plante des clous que c'est facile pour lui de descendre en bas puis planter un clou s'il a à le faire. Parce qu'il connaît toute la mécanique de la construction de ce building-là. Mais l'âme, c'est un petit peu la même chose. Alors, l'ego, lui, pour bénéficier de la compréhension totale, autrement dit, de la mémoire de l'âme, il est obligé d'arrêter de planter des clous. puis de s'asseoir à la table où le grand dessin se fait. Et ça, c'est la mémoire de l'art. C'est ça qu'à ce moment-là, il faut qu'il perde l'habitude de penser. Je reviens à la question, ça passe tout seul, ça, vous avez dit, on n'a rien à faire, on n'a pas d'effort. Mais si, quand on reçoit des pensées subjectives, on doit arriver avec notre volonté, puis la... Quand vous recevez des pensées subjectives, c'est pour ajuster votre mental. Ça ne faut pas se complaire de ça. Il faut que vous en soyez conscient. Le fait d'en être conscient, on s'en est d'accord. Le fait que vous en soyez conscient, ça diminue le pouvoir vibratoire des pensées subjectives sur votre mental. C'est ça qui vous amène petit à petit à perdre la faculté de penser. Et vous ne pouvez pas arrêter de penser parce que vous voulez ou tout ça. C'est le travail qui se fait d'en haut. Ça, c'est l'ajusteur de pensée qui fait ce travail-là. Quand l'âme est descendue dans la tu peux même avoir des petits écroches. On va en parler une autre fois, ça. Ils veulent pas en parler tout de suite. C'est pas ma faute. Mais c'est important, cette question-là. Mais ça me surprend que la question surgisse et qu'ils ne veulent pas répondre. C'est eux autres qui ont envoyé la question. Parce que c'est vibratoire. C'est vibratoire. Il faut attendre. C'est justement là que l'âme entre en jeu. C'est là la réalité. Moi, souvent, ils me disent, c'est pas important que tu le saches tout de suite, tu sauras plus tard. Ils vont par phase, par phase. Puis ça nous, on digère. Mais d'ailleurs, on sait que l'âme est immatérielle et matérielle, ça, on le sait, ça. Sa partie qui est immatérielle, ça vient, c'est l'essence, ça vient de l'essence, puis l'autre partie est faite avec les matériaux qui sont là. On en parlera de l'âme, de la personnalité et de l'ego. Ça, ça va être un bon sujet. Mais essentiellement, tu vois que c'est toujours l'intelligence qui rame le champ. Tout le temps. Hein? Oui. Mais c'est dur pour l'ego de fonctionner de même. Parce que l'ego a toujours besoin d'un support. Mais c'est pour ça que là, les frères, les parents, qui vont pas bien, parce qu'eux ne pourront pas les faire. Parce qu'ils n'ont pas ce sport pour les faire. Ah. Faut que ce soit fait graduellement. Sans ça, l'homme passerait par une dépression psychologique. Il serait tellement longtemps prisonnier de ses formes, il vivrait tellement pollué, presque la totalité mourrait. Il y aurait une perte d'énergie à cause des formes. En détruisant les formes, la réception de leur énergie passée par leur âme fait que se conscientiser après se suggérer. Ça dépend de chaque concept que l'âme prend. Mais ça prend droit, c'est une autre chose. Chaque forme a un champ magnétique très fort. Il y a une intelligence au-dessus de ça qui vient de l'intelligence, au-dessus de l'intelligence de la création qui peut détruire très fort. Dans leur intelligence. Quand on apprend à compter un enfant, on va lui dire deux assiettes, que son assiette est toujours une assiette, on peut prendre une assiette au début. Après ça, il n'y a plus d'assiette, on dit deux plus un, c'est trois. C'est la même chose. Okay. Essaye de dire ça, 2 plus 1, pour ça faire 3 au début, il n'est pas grave. Il a besoin d'une forme. Après ça, il n'y a plus besoin d'une forme, c'est ça. Ça veut dire que si tu ne penses pas, tu n'as pas besoin de poser de questions. Bien, évidemment. C'est pour ça, quand tu ne penses pas, tu n'as aucune curiosité. Ça reste du bien quand on t'écoute parler, tu poses des questions. Tu ne penses pas, tu poses des questions. Bon, mais ça, c'est votre cas. Les hommes sont faits différemment, il y a toutes sortes de personnes. Mais individuellement, personnellement, quand tu ne peux pas passer, tu ne peux pas poser de questions, tu n'es pas intéressé à rien. C'est correct, ça? Ben, t'es bien. Une description de forme peut automatiquement entendre des questions en changeant de l'émotion. Ouais. C'est ça qu'il disait là, tout à l'heure. Pas penser, pas de questions. Ça me venait à ça, Guy. Oui, mais ce qu'il y a d'important ici, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne parlent pas à cause de leur ego. Il y a peut-être des gens qui parlent parce que c'est la seule façon qu'ils vont aider à détruire les formes des autres. Une forme se détruit par la parole vibratoire d'intelligence qui est notre dedans. Si personne parle, vraiment pas trop, ça va être difficile pour lui. Mais celui qui s'ouvre, qui pose une question sincère, il devient récepteur à une réponse qui est vibratoire. Ça s'appelle plusieurs émotionnels. Souvent, celui qui pose la question ne comprendra pas, ça peut s'appeler. C'est vibratoire, c'est pour ça qu'il y en a qui posent des questions. C'est sûr, excusez-moi, c'est sûr que l'intelligence dit qu'ils ont trop de questions. Les gens, le jour que les gens vont dire ici, ils ne poseront plus de questions, ils ne viendront plus ici. Parce qu'ils recevront en eux-mêmes ce qu'ils auront à recevoir. Ils peuvent recevoir que Bernard, il n'y a pas de distance avec lui. Tu peux donner à celui qui veut recevoir. Mais il est là pour détruire les formes de chacun de nous pour qu'on puisse recevoir de n'importe quoi. Pas d'importe comment, c'est une question globale pour les ceux qui ne posent pas de questions. Ils peuvent comprendre direct. Les autres qui ne posent pas de questions sont renfermés dans leur ego parce qu'il y a une gêne ou un orgueil ou autre. Que les autres qui posent des questions aident à ces gens-là à se retrouver. Ils viennent l'affaire de poser des questions, là. lui poser des questions. Il y a deux façons de poser une question. Il y a une façon, on peut poser une question avec l'intellect, ou on peut poser une question avec l'intelligence. Moi, je peux aller voir un croteau et me dire, explique-moi donc ça, cette affaire-là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le savoir. Mais pour que je le sache, il faut que quelqu'un me pose la question.